at the book of Medeia, et de loin je vous suis des yeux. Je vous revois dans le sommeil, dans un songe mystérieux. Le seul bonheur auquel mon cœur aspire, c'est d'obtenir un aveu des plus doux. Voilà, voilà ce que je veux. J'ai trop peur de vous. Quand je guette votre passage, lorsque j'espère enfin vous voir, je me dis par un doux langage, aujourd'hui je veux l'émouvoir. Je veux dans mon brûlant délire dire je t'aime en tombant à genoux. Voilà, voilà ce que je veux vous dire. Mais hélas, j'ai trop peur.